culo buscando la mula. Tus mames alma. Oh. Avant de te séduire, ce sera très élégant. À aboyer sans mal, tu vas te casser les dents. Avant de le détruire, je laisse parler les gens. Je n'aurai jamais tour des bois. Je ne suis pas l'élément. Les mieux armés, caloches, pisites sont les mieux lotis. J'ai quelqu'un qui tremble dans l'eau. Je pisse du piloté. Ralbi très noir, comme sombre mélodie. Mélodie. Le gars, les bras dans cérémonie. Fondé, je suis un peu parano. Je mets le pompe dans le jacuzzi. On te fait parler à la tronçonneuse. Oh, dans le monde atomique. Car la renée joue de la gratte à Sarkozy. Petite marocaine, se tapait plus qu'au lit. J'ai connu en Inde à Champigny. La dame veut faire un tour dans Bokini. En niquant beaucoup de mer, on se bonifie. Tire d'eau, bien sûr, fils de chemin, intensité. On s'emmerde, si on y est bien, on y est. On département M, blanche de Bolivie. La cocaïne est plutôt bonne ici. Montagne de fer, tout le monde a fait de la police. On dit jamais ce qu'on fait, mais on fait toujours ce qu'on a dit. Tu vas savoir qui je suis, je prends ta tâche dès que j'ai mon ID. Si t'as pas la moula, toi bon, moula, bouge la putain de vie. Bouge pas, allo, pas ça, pour vouloir un genre privé. Qui affronte le discours à une fin tragique. Dis ta mère la bête sur ma carte de visite. Si j'attends sous terre, c'est résolu. Les uns comme toi font que personne évolue. Sont-ils vraiment, je m'interroge. Je fais cette à 8, mes ennemis sont devant la déloge.